Comme je l'avais dit, Marie avait deviné que la Sainte Vierge m'avait accordé quelques grâces cachées. Aussi, lorsque je fus seule avec elle, me demandant ce que j'avais vu, je ne pus résister à ces questions si tendres et si pressantes. Étonnée de voir mon secret découvert sans que je l'aie révélé, je le confiai tout entier à ma chère Marie. Hélas, comme je l'avais senti, mon bonheur allait disparaître et se changer en amertume. Pendant 4 ans, le souvenir de la grâce ineffable que j'avais reçue fut pour moi une vraie peine d'âme. Je ne devais retrouver mon bonheur qu'au pied de Notre-Dame des Victoires, mais alors il me fut rendu dans toute sa plénitude. Je reparlerai plus tard de cette seconde grâce de la Sainte Vierge. Maintenant, il me faut vous dire, ma mère chérie, comment ma joie se changea en tristesse. Marie, après avoir entendu le récit naïf et sincère de ma grâce, me demanda la permission de la dire au Carmel. Je ne pouvais dire non. À ma première visite à ce Carmel chéri, je fus remplie de joie en voyant Pauline avec l'habit de la Sainte Vierge. Ce fut un moment bien doux pour nous deux. Il y avait tant de choses à se dire que je ne pouvais rien dire du tout, mon cœur était trop plein. La bonne mère Marie de Gonzague était là aussi, me donnant 1000 marques d'affection. Je vis encore d'autres sœurs et devant elles, on me questionna sur la grâce que j'avais reçue, me demandant si la Sainte Vierge portait le petit Jésus ou bien s'il y avait beaucoup de lumière, etc. Toutes ces questions me troublèrent et me firent de la peine. Je ne pouvais dire qu'une chose, la Sainte Vierge m'avait semblé très belle et je l'avais vue me sourire. C'était sa figure seule qui m'avait frappée. Aussi, voyant que les carmélites imaginaient tout autre chose, mes peines d'âme commençaient déjà au sujet de ma maladie, je me figurais avoir menti. Sans doute, si j'avais gardé mon secret, j'aurais aussi gardé mon bonheur. Mais la Sainte Vierge a permis ce tourment pour le bien de mon âme. Peut-être aurais-je eu, sans lui, quelques pensées de vanité. Au lieu que l'humiliation devenant mon partage, je ne pouvais me regarder sans un sentiment de profonde horreur. Ah, ce que j'ai souffert, je ne pourrais le dire qu'au ciel. En parlant de visite aux Carmélites, je me souviens de la première, qui eut lieu peu de temps après l'entrée de Pauline. J'ai oublié d'en parler plus haut, mais il est un détail que je ne dois pas omettre. Le matin du jour où je devais aller au parloir, réfléchissant toute seule dans mon lit, car c'était là que je faisais mes plus profondes oraisons, et contrairement à l'épouse des cantiques, j'y trouvais toujours mon bien-aimé, je me demandais quel nom j'aurais au Carmel. Je savais qu'il y avait une sœur Thérèse de Jésus. Cependant, mon bon nom de Thérèse ne pouvait pas m'être enlevé. Tout à coup, je pensais au petit Jésus que j'aimais tant et je me dis « Oh, que je serais heureuse de m'appeler Thérèse de l'enfant Jésus !» Je ne dis rien au parloir du rêve que j'avais fait tout éveillé, mais la bonne mère Marie de Gonzague, demandant aux sœurs quel nom il faudrait me donner, il lui vint à la pensée de m'appeler du nom que j'avais rêvé. Ma joie fut grande et cette heureuse rencontre de pensées me sembla une délicatesse de mon bien-aimé petit Jésus. J'ai oublié encore quelques petits détails de mon enfance avant votre entrée au Carmel. Je ne vous ai pas parlé de mon amour pour les images et la lecture. Et cependant, ma mère chérie, je dois aux belles images que vous me montriez comme récompense. Une des plus douces joies et des plus fortes impressions qui m'est excitée à la pratique de la vertu. J'oubliais les heures en les regardant. Par exemple, la petite fleur du divin prisonnier me disait tant de choses que j'en étais plongée. Voyant que le nom de Pauline était écrit au bas de la petite fleur, j'aurais voulu que celui de Thérèse y fût aussi, et je m'offrais à Jésus pour être sa petite fleur. Si je ne savais pas jouer, j'aimais beaucoup la lecture et j'y aurais passé ma vie. Heureusement, j'avais pour me guider des anges de la terre qui me choisissaient des livres qui, tout en m'amusant, nourrissaient mon cœur et mon esprit. Et puis je ne devais passer qu'un certain temps à lire, ce qui m'était le sujet de grands sacrifices, interrompant souvent ma lecture au milieu du passage le plus attachant. Cet attrait pour la lecture a duré jusqu'à mon entrée au Carmel. Dire le nombre de livres qui m'ont passé dans les mains ne me serait pas possible. Mais jamais le bon Dieu ne permit que j'en lise un seul capable de me faire du mal. Il est vrai qu'en lisant certains récits chevaleresques, je ne sentais pas toujours au premier moment le vrai de la vie. Mais bientôt, le bon Dieu me faisait sentir que la vraie gloire est celle qui durera éternellement, et que pour y parvenir, il n'était pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes, mais de se cacher et de pratiquer la vertu, en sorte que la main gauche ignore ce que fait la droite. C'est ainsi qu'en lisant les récits des actions patriotiques des héroïnes françaises, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, j'avais un grand désir de les imiter. Il me semblait sentir en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. Alors je reçus une grâce que j'ai toujours regardée comme une des plus grandes de ma vie, car à cet âge je ne recevais pas de lumière comme maintenant que j'en suis inondée. Je pensais que j'étais née pour la gloire, et, cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit comprendre, aussi, que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite, et combien je le suis encore, après 7 années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites n'en ayant aucun. Mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, et, me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Je ne pensais pas alors qu'il fallait beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. Le bon Dieu ne tarda pas à me le montrer, en m'envoyant les épreuves que j'ai racontées plus haut. Maintenant, je dois reprendre mon récit, au point où je l'avais laissé. 3 mois après ma guérison, papa nous fit faire le voyage d'Alençon. C'était la première fois que j'y retournais, et ma joie fut bien grande en revoyant les lieux où s'était écoulée mon enfance, surtout de pouvoir prier sur la tombe de maman et de lui demander de me protéger toujours. Le bon Dieu m'a fait la grâce de ne connaître le monde que juste assez pour le mépriser et m'en éloigner. Je pourrais dire que ce fut pendant mon séjour à Alençon que je fis ma première entrée dans le monde. Tout était joie, bonheur autour de moi. J'étais fêtée, choyée, admirée. En un mot, ma vie pendant 15 jours ne fut semée que de fleurs. J'avoue que cette vie avait des charmes pour moi. La sagesse a bien raison de dire que l'ensorcellement des bagatelles du monde séduit l'esprit même éloigné du mal. À 10 ans, le cœur se laisse facilement éblouir. Aussi, je regarde comme une grande grâce de n'être pas restée à Alençon. Les amis que nous y avions étaient trop mondains. Ils savaient trop allier les joies de la terre avec le service du bon Dieu. Ils ne pensaient pas assez à la mort. Et cependant, la mort est venue visiter un grand nombre de personnes que j'ai connues, jeunes, riches et heureuses. J'aime à retourner par la pensée aux lieux enchanteurs où elles ont vécu, à me demander où elles sont, ce qui leur revient des châteaux et des parcs où je les ai vus jouir des commodités de la vie. Et je vois que tout est vanité et affliction d'esprit sous le soleil, que l'unique bien c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'être ici-bas pauvre d'esprit. Peut-être Jésus a-t-il voulu me montrer le monde avant la première visite qu'il devait me faire, afin que je choisisse plus librement la voie que je devais lui promettre de suivre. L'époque de ma première communion est restée gravée dans mon cœur comme un souvenir sans nuage. Il me semble que je ne pouvais pas être mieux disposée que je le fus. Et puis, mes peines d'âme quittèrent pendant près d'un an. Jésus voulut me faire goûter une joie aussi parfaite qu'il est possible en cette vallée de larmes. Vous vous souvenez, ma mère chérie, du ravissant petit livre que vous m'aviez fait 3 mois avant ma première communion? Ce fut lui qui m'aida à préparer mon cœur d'une façon suivie et rapide. Car si depuis longtemps je le préparais déjà, il fallait bien lui donner un nouvel élan, le remplir de fleurs nouvelles, afin que Jésus puisse s'y reposer avec plaisir. Chaque jour, je faisais un grand nombre de pratiques qui formaient autant de fleurs. Je faisais encore un plus grand nombre d'aspirations que vous aviez écrites sur mon petit livre pour chaque jour, et ces actes d'amour formaient les boutons de fleurs. Chaque semaine, vous m'écriviez une jolie petite lettre qui me remplissait l'âme de pensées profondes et m'aidait à pratiquer la vertu. C'était une consolation pour votre petite fille qui faisait un si grand sacrifice en acceptant de n'être pas chaque soir préparée sur vos genoux comme l'avait été sa chère Céline. C'était Marie qui remplaçait Pauline pour moi. Je m'asseyais sur ses genoux et là j'écoutais avidement ce qu'elle me disait. Il me semble que tout son cœur, si grand, si généreux, passait en moi. Comme les illustres guerriers apprennent à leurs enfants le métier des armes, ainsi me parlait-elle des combats de la vie, de la palme donnée aux victorieux. Marie me parlait encore des richesses immortelles qu'il est facile d'amasser chaque jour, du malheur de passer sans vouloir se donner la peine de tendre la main pour les prendre. Puis elle m'indiquait le moyen d'être sainte par la fidélité aux plus petites choses. Elle me donna la petite feuille du renoncement que je méditais avec délice. Ah, qu'elle était éloquente, ma chère marraine! J'aurais voulu ne pas être seule à entendre ses profonds enseignements. Je me sentais si touchée que dans ma naïveté, je croyais que les plus grands pêcheurs auraient été touchés comme moi, et que, laissant là leur richesse périssable, ils n'auraient plus voulu gagner que celle du ciel. À cette époque, personne ne m'avait encore enseigné le moyen de faire oraison. J'en avais cependant bien envie. Mais Marie, me trouvant assez pieuse, ne me laissait faire que mes prières. Un jour, une de mes maîtresses de l'abbaye me demanda ce que je faisais les jours de congé, lorsque j'étais seule. Je lui répondis que j'allais derrière mon lit, dans un espace vide qui s'y trouvait, et qu'il m'était facile de fermer avec le rideau, et que là, je pensais. « Mais à quoi pensez-vous » me dit-elle. « Je pense au bon Dieu, à la vie, à l'éternité, enfin, je pense. » La bonne religieuse rit beaucoup de moi. Plus tard, elle aimait à me rappeler le temps où je pensais, me demandant si je pensais encore. Je comprends maintenant que je faisais oraison sans le savoir, et que déjà le bon Dieu m'instruisait en secret. Les 3 mois de préparation passèrent vite. Bientôt, je dus entrer en retraite et pour cela devenir grande pensionnaire couchant à l'abbaye. Je ne puis dire le doux souvenir que m'a laissé cette retraite. Vraiment, si j'ai beaucoup souffert en pension, j'en ai été largement payée par le bonheur ineffable de ces quelques jours passés dans l'attente de Jésus. Je ne crois pas que l'on puisse goûter cette joie ailleurs que dans les communautés religieuses. Le nombre des enfants étant petit, il est facile de s'occuper de chacune en particulier. Et vraiment, nos maîtresses nous prodiguaient à ce moment des soins maternels. Elles s'occupaient encore plus de moi que des autres. Chaque soir, la première maîtresse venait, avec sa petite lanterne, m'embrasser dans mon lit en me montrant une grande affection. Un soir, touchée de sa bonté, je lui dis que j'allais lui confier un secret, et tirant mystérieusement mon précieux petit livre qui était sous mon oreiller, je le lui montrai avec des yeux brillants de joie. Le matin, je trouvais cela bien gentil de voir toutes les élèves se lever dès leur éveil, et de faire comme elle. Mais je n'étais pas habituée à faire ma toilette toute seule. Marie n'était pas là pour me friser. Aussi j'étais obligée d'aller timidement présenter mon peigne à la maîtresse de la chambre de toilette. Elle riait en voyant une grande fille de 11 ans ne sachant pas se servir. Cependant elle me peignait, mais pas si doucement que Marie, et pourtant je n'osais pas crier, ce qui m'arrivait tous les jours sous la douce main de ma reine. Je fis l'expérience pendant ma retraite, que j'étais une enfant choyée et entourée comme il y en a peu sur la terre, surtout parmi les enfants qui sont privés de leur mère. Tous les jours, Marie et Léonie venaient me voir avec papa qui me comblait de gâteries. Aussi, je n'ai pas souffert de la privation d'être loin de la famille, et rien ne vint obscurcir le beau ciel de ma retraite. J'écoutais avec beaucoup d'attention les instructions que nous faisait Monsieur l'abbé Domain, et j'en écrivais même le résumé pour mes pensées. Je ne voulus en écrire aucune, disant que je m'en rappellerai bien ce qui fut vrai. C'était pour moi un grand bonheur d'aller avec les religieuses à tous les offices. Je me faisais remarquer au milieu de mes compagnes par un grand crucifix que Léonie m'avait donné et que je passais dans ma ceinture à la façon des missionnaires. Ce crucifix faisait envie aux religieuses qui pensaient que je voulais, en le portant, imiter ma sœur carmélite. Ah, c'était bien vers elle qu'elle aimait penser. Je savais que ma Pauline était en retraite comme moi, non pour que Jésus se donne à elle, mais pour se donner elle-même à Jésus. Cette solitude passée dans l'attente m'était donc doublement chère. Je me rappelle qu'un matin, on m'avait fait aller dans l'infirmerie, parce que je toussais beaucoup depuis ma maladie. Mes maîtresses faisaient une grande attention à moi. Pour un léger mal de tête, ou bien si elles me voyaient plus pâle qu'à l'ordinaire, elles m'envoyaient prendre l'air, ou me reposer à l'infirmerie. Je vis entrer ma Céline chérie. Elle avait obtenu la permission de venir me voir malgré la retraite, pour m'offrir une image qui me fit bien plaisir. C'était la petite fleur du divin prisonnier. Oh, qu'il m'a été doux de recevoir ce souvenir de la main de Céline. Combien de pensées d'amour n'ai-je pas eues à cause d'elle ? La veille du grand jour, je reçus l'absolution pour la seconde fois. Ma confession générale me laissa une grande paix dans l'âme, et le bon Dieu ne permit pas que le plus léger nuage vînt la troubler. L'après-midi, je demandai pardon à toute la famille qui vint me voir, mais je ne pus parler que par mes larmes, j'étais trop émue. Pauline n'était pas là, cependant je sentais qu'elle était près de moi par le cœur. Elle m'avait envoyé une belle image par Marie. Je ne me lassais pas de l'admirer, de la faire admirer par tout le monde. J'avais écrit au père Pichon pour me recommander à ses prières, lui disant aussi que bientôt je serais carmélite et qu'alors il serait mon directeur. C'est en effet ce qui arriva 4 ans plus tard. Puis ce fut au Carmel que je lui ouvris mon âme. Marie me donna une lettre de lui, vraiment j'étais trop heureuse. Tous les bonheurs m'arrivaient ensemble. Ce qui me fit le plus de plaisir dans sa lettre fut cette phrase. « Demain, je monterai au Saint-Autel pour vous et votre Pauline. » Pauline et Thérèse devinrent le 8 mai de plus en plus unies, puisque Jésus semblait les confondre, les inondant de ses grâces. Le beau jour entre les jours arriva enfin. Quels ineffables souvenirs ont laissé dans mon âme les plus petits détails de cette journée du ciel. Le joyeux réveil de l'aurore, les baisers respectueux et tendres des maîtresses et des grandes compagnes, la grande chambre remplie de flocons neigeux dont chaque enfant se voyait revêtir à son tour. Surtout l'entrée à la chapelle et le chant matinal du beau cantique, ô saint autel qu'environnent les anges. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Il est de ces choses qui perdent leur parfum dès qu'elles sont exposées à l'air. Il est des pensées de l'âme qui ne peuvent se traduire en langage de la terre, sans perdre leur sens intime et céleste. Elles sont comme cette pierre blanche qui sera donnée au vainqueur, et sur laquelle est écrit un nom que nul ne connaît que celui qui la reçoit. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimée et je disais aussi « Je vous aime, je me donne à vous pour toujours ». Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, de sacrifice. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Ce jour-là, ce n'était plus un regard mais une fusion, et ils n'étaient plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein de l'océan. Jésus restait seul, il était le maître, le roi. Thérèse ne lui avait-elle pas demandé de lui ôter sa liberté, car sa liberté lui faisait peur. Elle se sentait si faible, si fragile, que pour jamais elle voulait s'unir à la force divine. Sa joie était trop grande, trop profonde pour qu'elle pût la contenir. Des larmes délicieuses l'inondèrent bientôt au grand étonnement de ses compagnes qui, plus tard, se disaient l'une à l'autre « Pourquoi donc a-t-elle pleuré? N'avait-elle pas quelque chose qui la gênait ?» Non, c'était plutôt de ne pas voir sa mère auprès d'elle, ou sa sœur qu'elle aime tant, qui est carmélite. Elle ne comprenait pas que toute la joie du ciel venant dans un cœur, ce cœur exilé ne puisse la supporter sans répandre des larmes. Oh non, l'absence de maman ne me faisait pas de peine le jour de ma première communion. Le ciel n'était-il pas dans mon âme, et maman n'y avait-elle pas pris place depuis longtemps? Ainsi, en recevant la visite de Jésus, je recevais aussi celle de ma mère chérie qui me bénissait, se réjouissait de mon bonheur. Je ne pleurais pas l'absence de Pauline. Sans doute j'aurais été heureuse de la voir à mes côtés, mais depuis longtemps mon sacrifice était accepté. En ce jour, la joie seule remplissait mon cœur. Je m'unissais à celle qui se donnait irrévocablement, à celui qui se donnait si amoureusement à moi. L'après-midi, ce fut moi qui prononçai l'acte de consécration à la Sainte Vierge. Il était bien juste que je parle au nom de mes compagnes à ma mère du ciel, moi qui avais été privée si jeune de ma mère de la terre. Je mis tout mon cœur à lui parler, à me consacrer à elle, comme une enfant qui se jette entre les bras de sa mère et lui demande de veiller sur elle. Il me semble que la Sainte Vierge dut regarder sa petite fleur et lui sourire. N'était-ce pas elle qui l'avait guérie par un visible sourire? N'avait-elle pas déposé dans le calice de sa petite fleur son Jésus, la fleur des champs, le lys de la vallée? Au soir de ce beau jour, je retrouvai ma famille de la terre. Déjà le matin, après la messe, j'avais embrassé papa et tous mes chers parents. Mais alors c'était la vraie réunion. Papa, prenant la main de sa petite reine, se dirigea vers le Carmel. Alors je vis ma Pauline devenue l'épouse de Jésus. Je la vis avec son voile blanc comme le mien et sa couronne de roses. Ah, ma joie fut sans amertume. J'espérais la rejoindre bientôt et attendre avec elle le ciel. Je ne fus pas insensible à la fête de famille qui eut lieu le soir de ma première communion. La belle montre que me donna mon roi me fit un grand plaisir, mais ma joie était tranquille et rien ne vint troubler ma paix intime. Marie me prit avec elle la nuit qui suivit ce beau jour, car les jours les plus radieux sont suivis de ténèbres. Seul le jour de la première, de l'unique, de l'éternelle communion du ciel sera sans couchant.